Là-bas sur l'autoroute, il y a des caravanes qui roulent et qui s'en foutent des chevaux et des ânes. La fumée des moteurs ou l'odeur du crottin, il faut parfois du cœur pour suivre son destin. Là-bas sur l'autoroute, il y a des caravanes qui prennent le mois d'août pour la saison gitane. Cela sent en vacances, il se la joue nomade, sans l'odeur de l'essence, l'existence est si fade. Sans l'odeur de l'essence, l'existence est si fade. Au long de l'autoroute, tous à la queue de leu, ils roulent goutte à goutte vers des cieux toujours bleus. Ils suivent le bison, buté qui d'heure en heure guide tous ces hurons et leurs chevaux vapeur. Au long de l'autoroute, il y a des caravanes, et quand leurs chevaux broutent, ces indiens tombent en panne. Ils partent à l'aventure, ils prennent leur congé dans les hydrocarbures et les supermarchés. Dans les hydrocarbures et les supermarchés. Au bord de l'autoroute, tout comme à l'oasis, à l'heure du casse-croûte, ils s'arrêtent et ils pissent. Ils s'inventent un désert où leur tribu s'égare, finissent leur dessert et puis ils redémarrent. Au bord de l'autoroute, il y a des caravanes de Touaregs en déroute, avec leur jerrycan et les tapes en état de sandwich hamburger. On les voit tous en grappe avec leur jambon beurre. On les voit tous en grappe avec leur jambon beurre. Parfois sur l'autoroute se finit leur voyage sur une flaque de mazout dans un carambolage. Les risques du métier au prix de l'assurance ont souvent cher payé l'aventure et la transe. Parfois sur l'autoroute il y a des caravanes qui jouent au baby-foot avec des pots de bananes pour finir leur errance sur un tas de ferraille. Suprême extravagance, mais triste funéraille. Suprême extravagance, mais triste funéraille. En quittant l'autoroute, ils s'en vont au camping, pas très loin du mammouth où ils font leur shopping. Et les gens du voyage, de les voir débarquer avec tout leur bagage, ça les fait rigoler. En quittant l'autoroute, aussitôt arrivés, ils vont sans aucun doute tous se faire arnaquer. Ils font flamber les prix, claquer tout leur pognon. C'est le seul paradis que leur laisse leur patron. C'est le seul paradis que leur laisse leur patron. Très loin de l'autoroute, il y a des caravanes qui gardent dans leur soute de vieux rêves tziganes. Ils attendent et ils prient pour leur chemin perdu, mais après tant de nuits, ne se souviennent plus. Très loin de l'autoroute, ils parlent au coin du feu. La nouvelle autoroute doit passer par chez eux. Les bulldozers attendent, les promoteurs aussi, et les vacanciers bons, ils vont voir du pays. Et les vacanciers bons, ils vont voir du pays.